Maxi Sud. Oui, donc je suis Robert Mestre, le président du club Aveyron BMX. C'est le seul club de BMX race en Aveyron. Et bon, ça existe depuis, avec au tout début sur Honnay-le-Château, puis Sébazac, Nus, Liujas, voilà. Donc on a actuellement trois pistes où on peut rouler. La piste de Liujas où on peut faire des compétitions et qu'il faudrait qu'on puisse arriver à réaménager parce que les pistes à un niveau régional ont évolué. Donc pour l'instant, on va être en discussion avec le conseil départemental, la mairie et voir aussi le Grand Rodez au niveau des sports pour essayer d'aboutir à des pouvoir financer quelques travaux pour remettre la piste au goût du jour par rapport à des compétitions régionales. Bon, sinon, on procède après dans le club avec des entraînements les mercredis après-midi sur la petite piste de Nus qui est au centre du village. Il y a aussi des virages d'ailleurs. Et en alternance, après les samedis après-midi sur Liujas et Sébazac. Et le mercredi après-midi aussi un entraînement un peu spécifique pour ceux qui font des compétitions ici sur cette piste de Liujas. Voilà pour le fonctionnement du club. Voilà, pour ma part, moi j'ai commencé à courir en 1988. Et j'ai couru jusqu'en 2012. Donc voilà, j'ai commencé en gros vers 39 ans, arrêté à 62 les courses, avec quelques résultats intéressants sur les finales de championnat de France pendant quand même pas mal d'années. Une qualification au championnat d'Europe et une qualification au championnat du monde aussi en 96 et où c'était la place de celle qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'en demi-finale, cinquième, on prend les quatre premiers. Mais c'était intéressant pour participer, quoi. Voilà. Sinon, après, au niveau des entraînements, on a des entraîneurs comme Marty, je ne me souviens plus son prénom, Nicolas, c'est bon. Elena Viargue, Evan Lapert, quoi. Et moi-même qui entraîne sur la petite piste de Nus, quoi. Sinon, voilà, les licenciés, ça fluctue entre 20, 30, 40, 50, et puis bon, voilà, au fil des ans, mais bon, il y a une participation dans les championnats régionaux d'une douzaine de pilotes quand même, qui est intéressant. Demain, on a une course à Lourdes, une course BMX à Lourdes, où il y a 11 inscrits, c'est pas mal pour notre club. Voilà, donc ça tourne, ça fonctionne bien, quand on a le soleil, c'est bien. D'accord, un petit mot par rapport à la compétition et au BMX de votre génération, à la génération d'aujourd'hui. Eh bien, au tout début, en 88, les virages n'étaient pas relevés comme ça. Hein, c'était quasiment des virages plats, donc on sortait avec un pied. Puis bon, on cherchait la limite, ça arrivait très souvent que la limite, on la trouvait avec la roue avant qui chassait. Et il y avait pas mal de gamelles, quoi. Mais bon, pas grave, quoi. Voilà. Sinon, les pistes, après, ont évolué avec au niveau technicité, au niveau du pilotage aussi des vélos, où il a fallu après vraiment travailler les enroulés, les sauts, etc., tout ça, quoi. D'accord. S'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui nous écoutent et qui souhaitent faire du BMX et vous rejoindre. Ah, mais pour les moins jeunes, c'est faisable, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. Voilà, moi, j'ai couru jusqu'à 62 ans, donc dès qu'il y a une catégorie 90 et plus, je reprends le vélo. Voilà. Pour en savoir plus, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un site internet? Oui, sur le site Aveyron BMX, il n'y a pas de problème. Il y a le numéro de téléphone du président du club et d'autres personnes, il n'y a pas de souci pour s'inscrire et pour faire des essais là sur les endroits où on est, les sites où on est en entraînement. Vous pouvez venir, les gens, quel que soit l'âge, faire des essais. Le club prête pour les premières fois des vélos et casques du club. Un petit mot sur l'agenda et les événements de la saison 2024. Eh bien là, on commence à la première manche au niveau des courses au niveau régional, c'est à Lourdes demain. Après, ça s'enchaîne, il y en a 9. On fait des déplacements assez importants parce qu'on est un peu excentré nous aussi, quoi. Donc il y aura Lourdes, Tarbes, Pamiers, Saïx, c'est à côté de Castres, etc. Des courses un peu moins loin comme Kamsas, c'est Montauban. Blagnac, c'est pas très loin non plus. Donc on trouve que c'est pas loin, quoi. Voilà.